coiffé des guerres. Je ne comprends pas c'est quoi le nucléaire. Que les grands font tant de mystères. Quand il s'agit de parler d'affaires. Papa, dis-moi pourquoi. Que fait Dieu dans tout ça? Je sais que tu n'y crois pas. Mais papa, dis-moi. Sarah, je crois aux éoliennes. Vent qui les emmène au soleil et à la pluie et à l'amour qui nous unit. Chanteront les éoliennes. Que soufflera sur notre vie? Qu'un vent d'amour qui t'emmène loin de moi construire ta vie. Pourquoi de la vie? Pourquoi faut-il un jour qu'elle soit finie? Ça sert à quoi d'être honnête et gentil? Et tu crois pas au paradis? Papa, tu me raisonnes pas. Chanteront les éoliennes, échoera souffler sur ma vie, le vent et le temps qui l'emmène, loin de tes yeux qui chant des éoliennes. Et sans leur souffle sur ta vie, écoute le vent qui les